Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Parler d'histoire autrement et aujourd'hui comment la littérature s'empare de l'histoire pour raconter de manière originale Mussolini. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1912, Amilcar Cyprien se trouve à Paris. Lui qui fut patriote combattant pour l'unité de son pays, l'Italie, il écrit désormais dans la presse pour défendre son idéal, l'anarchie. À 69 ans, il livre ses articles, notamment pour l'Humanité. Et le 26 août 1912, il écrit « Il me semble que, depuis quelques années, le socialisme navigue un peu partout dans une espèce de confusionnisme. Ah, le confusionnisme. Pour lui, il y a des hommes faits pour la lutte et d'autres qui refusent toute unité des combats. » À propos de l'Italie, Amilcar Cyprien est ravi de voir triompher les révolutionnaires intransigeants. Il écrit « Aujourd'hui, parmi ceux qui ont triomphé au congrès de Reggio Emilio, il y a un homme, Mussolini, dont l'ordre du jour a triomphé. Celui-là me plaît beaucoup. Son révolutionnarisme est le mien, je devrais dire le nôtre, c'est-à-dire celui que l'on appelle classique. » Mussolini a alors 29 ans. Est-ce lui qui va prendre la relève? Amilcar Cyprien ajoute « À ce vaillant Mussolini, il manque ceci. Tout simplement, c'est d'être à la fois socialiste et syndicaliste. Comment peut-on être socialiste révolutionnaire sans être syndicaliste ?» Amilcar Cyprien décède en 1918. Il ne voit donc pas le triomphe de Mussolini qui crée les faisceaux italiens de combat l'année suivante, en 1919, avec désormais cette question. Comment peut-on, en si peu de temps, être socialiste révolutionnaire et fonder le mouvement fasciste? Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une lettre M. Une lettre noire sur une couverture blanche, M, avec un sous-titre « L'enfant du siècle ». C'est votre ouvrage, Antonio Scoratti. Bonjour. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes professeur de critique littéraire et de littérature comparée à l'Université libre de communication et de langue de Milan. Vous êtes romancier, vous avez écrit des romans, une dizaine de romans, et notamment cet ouvrage, vous avez vu, je ne dis pas un roman, parce que c'est un ouvrage plus complexe qu'un roman, M, l'enfant du siècle, un ouvrage pour lequel vous avez reçu le prix Strega, le Goncourt italien, pour le dire simplement. Oui. Donc, félicitations. M. Une seule lettre, ce M est Mussolini. Je vais vous poser une question de commerçant, Antonio Scuratti. Quand l'on veut vendre un livre, on met en couverture ce dont il parle, Mussolini. Surtout qu'il y a des objets comme ça qui sont vendeurs, Mussolini. Pourquoi avoir choisi de se contenter d'une initiale M? Mi diverte molto questa domanda perché c'est une question qui è l'unico merito, en fait, c'est un peu o meglio, è sicuramente un merito che mérite, non è mio. Enfin, c'est, en tout cas, ce n'est pas mon mérite. Io moi. Volevo mettere ce que je voulais, moi, c'était sur la couverture, je voulais mettre sa tête. Nella versione, surtout la, particulièrement la version cultura, artistique, vous voyez, une sculpture ou un buste de Mussolini qui avait été fait par Adolfo Hill, qui était un grand artiste de l'époque, et donc avec un ami. On avait préparé, si vous voulez, une espèce de transfiguration un petit peu hyper réaliste par rapport à cette sculpture. Et puis, fort heureusement, l'éditeur a dit non. Il a dit non, il faut faire quelque chose de graphique, une couverture, où on va lire un signe exclusivement. Je n'étais pas d'accord, mais à la fin, c'est eux qui avaient raison. Parce que de fait, au-delà de la beauté graphique de cette couverture, le fait est que quasiment tous les éditeurs étrangers ont adopté également cette couverture. Je rappelle qu'il y a environ des traductions dans 40 langues actuellement. Et à deux exceptions près, une ou deux, ils ont gardé cette couverture. Et ça, c'est lié en fait à la modalité du récit. Ce que je veux dire, c'est que ce livre en Italie, mais pas seulement, à l'étranger également, il a vraiment suscité beaucoup d'intérêt. Il a bien marché. Pourquoi? Parce qu'on va laisser de côté toute l'iconographie classique assez stéréotypée de Mussolini. Et c'est une histoire que l'on connaît, c'est la grande histoire avec un grand H. Et pour autant, ils ont les sentiments, le lecteur, d'avoir quelque chose d'inédit. Ou almeno moltissimi lettori mi hanno scritto questo. La plupart des lecteurs, c'est ce qu'ils m'ont écrit. Oui, mais c'est ce que l'on ressent en lisant cet ouvrage publié aux Arènes. M, l'enfant du siècle, Antonio Sciurati. Il y a une forme de narration. C'est votre spécialité, c'est la matière que vous enseignez, la langue. Il y a une forme de narration de l'histoire avec tout un questionnement qui se pose dans une émission d'histoire, comme le cours de l'histoire, entre le fond, ce qui est raconté, et la manière de le raconter. Les historiens sont des écrivains en soi. Vous avez fait œuvre d'historien au sens où vous avez été chercher les sources, vous les avez regardées, vous avez lu les ouvrages, pour en tirer un ouvrage qui n'est peut-être pas qu'un ouvrage d'histoire. C'est en cela que cet ouvrage est complexe. Je ne sais pas dire si c'est un ouvrage d'histoire, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est un roman ? Je ne le considère pas non plus. Comment qualifieriez-vous votre ouvrage ? Ah, ecco, io mi sono occupato Écoutez, per tanti anni pendant di quella des che années, si chiama teoria letteraria, je me suis consacré à la théorie littéraire. D'ailleurs, il y a des années de cela, j'ai poussé un peu mes études précisément à l'école des hautes études en sciences sociales ici à Paris. Et pour des gens comme nous qui s'intéressent d'un point de vue théorique à la littérature, eh bien, lorsqu'un ouvrage n'est pas, si vous voulez, classable facilement, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de novateur. Alors, j'espère que ça sera le cas pour mon livre aussi. De fait, je ne suis pas historien de formation. Il se trouve que j'ai, bien sûr, j'ai lu toutes les études historiques qui me sont tombées sous la main. Il y a des bibliothèques entières qui sont consacrées à cette question du fascisme. Et il y a eu ce geste qui est assez inhabituel chez un historien, c'est-à-dire que dans mes lectures, j'ai inclus y compris l'historiographie fasciste et tous la mémoire fasciste. Parce que mon intention, c'était de raconter le fascisme de l'intérieur, c'est-à-dire me livrer à cet exercice qui n'avait jamais été fait dans la tradition littéraire italienne, raconter le fascisme par le prisme des fascistes eux-mêmes, et à commencer par Mussolini, lui-même bien évidemment. Ces 70 dernières années, et c'est bien compréhensible et c'est juste, on a parlé de ce fascisme du point de vue de la victime. Or, moi, vu ma démarche, ce que je voulais inclure dans mes sources, c'était aussi le souvenir des fascistes eux-mêmes. Bien des épisodes que je raconte dans son livre, eh bien, c'est uniquement les fascistes qui en ont rendu témoignage. Car seuls les fascistes ont assisté à ces événements. Alors, ça ne veut absolument pas dire que j'adhère à ce point de vue qui est le leur. Je le dis et je le répète. Je suis la dernière génération, probablement, qui a été éduquée moralement, civilement, dans un bain de culture antifasciste. C'est mon histoire à moi. Donc, après cette très longue étude donc, que j'ai menée, en tout cas sur ce sujet, c'est là que commence mon travail de romancier. L'effort considérable qu'il a fallu faire, c'est faire la synthèse narrative de toutes ces informations, de tout ce matériel, de toutes ces connaissances, en maintenant le roman avec ses vertus spécifiques. Cette forme du roman. La mort du roman, c'est quelque chose qui a été annoncé à bien des reprises. C'est à la fin du siècle dernier. Je me souviens, lorsque je faisais mon DEA ici à Paris, l'idée de la mort du roman était vraiment quelque chose qui dominait la scène. En réalité, c'était totalement infondé, puisque le roman vit très bien. Pourquoi ? Parce qu'il est, je dirais, la forme littéraire de la démocratie. Le roman, parmi ses vertus, a notamment le fait qu'il peut, si vous voulez, parler à tout type de lecteurs, un grand nombre de lecteurs, sans discrimination. C'est-à-dire que le roman ne demande pas que l'on ait, par exemple, fait de hautes études. Il ne demande pas la carte d'identité, il s'adresse aux vieux, aux jeunes, aux étudiants, aux gens cultivés, à ceux qui sont moins, aux chrétiens, aux musulmans, etc. Enfin, la liste serait longue. Femmes, hommes, il s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est vrai. vraiment une vertu spécifique du roman, et souvent le romancier a un peu tendance à l'oublier. Donc, pour moi, l'enjeu était le suivant, créer une narration qui soit, si vous voulez, une synthèse de ce répertoire immense de sources historiques, tout en restant fidèle, très rigoureusement fidèle à ses sources. Vous l'avez vu, j'ai un avant-propos où je dis, dans les personnages qui sont là, pas un seul n'a été inventé, pas un seul dialogue n'a été inventé, rien n'est inventé, tout cela, rien n'est fortuit. Je voulais faire tout ça tout en maintenant en haleine mon lecteur, pour qu'il soit pris dans le flux des événements qui sont racontés, comme si ça lui arrivait, comme si c'était en train d'arriver, à ce moment-là. Concludo, è un gesto eminentemente democratico. Ça, c'est un geste, je le redis, éducato da una cultura antifascista, éminemment démocratique. J'ai baigné moi-même dans une culture anti-fasciste, alors raconter par la lorgnette du fasciste cette histoire du fascisme, cette dictature, la suppression de la démocratie, en ayant recours à la forme littéraire qui est la plus démocratique d'entre toutes, en soi, c'était déjà une réponse. C'était déjà une manière, si vous voulez, de lutter contre ce fascisme que je racontais. Effectivement, je l'ai lu ainsi, Antonio Scoratti. Il y a une volonté de transmettre, et c'est extrêmement généreux, dans une forme de narration qui tient en haleine. Alors, c'est le principe du roman. Vous évoquez les sources. Il faut rappeler que dans la construction de votre livre, M, l'enfant du siècle, il y a des documents. C'est-à-dire que les sources elles-mêmes sont présentes. Et ça, c'est important aussi en tant que lecteur. Les chapitres sont très courts. Ils se positionnent sur un lieu, une date, un personnage, et régulièrement arrivent les documents. C'est bien de donner les documents aussi. Vous auriez pu vous en passer pour la narration. Il n'est pas nécessaire de mettre les documents. Vous les avez mis. Pourquoi ? Si, à l'inizio, non era nelle mie intenzioni. En fait, dans un premier temps, ce n'est pas ce que j'avais en tête. J'ai une formation théorique, universitaire, donc je suis tout à fait conscient, bien sûr, de la manière dont se font les choses. La trilogie, si vous voulez, je l'avais à l'esprit d'emblée. Par contre, au début, je n'avais pas pensé à inclure toutes ces sources dans mon texte. Après, on le sait, l'écriture a sa vie intrinsèque, sa vie propre, et à mesure que j'étais en train d'écrire à ce moment-là, une chose m'est venue spontanément. Je me suis dit, mais je pourrais juxtaposer ces extraits de documents qui sont toujours, si vous voulez, après, qui viennent après les événements. Ils racontent a posteriori les événements. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a un écart temporel trop important, il y a une espèce de connaissance historique, de compréhension. Moi, ce que j'ai voulu faire là, c'est prendre des documents qui, si vous voulez, commentent à chaud, très à chaud. Les événements. Et je me suis dit, bien, ça me semblait tout à fait naturel, je vais juxtaposer ces documents historiques, ce qui permet au lecteur de vérifier que ce que je raconte, qui semble complètement incroyable, parce que les événements qui amènent le fascisme et Mussolini au pouvoir, c'est quelque chose d'éminemment romanesque, quasiment invraisemblable par moment. Et moi, ce que je voulais, c'était que le lecteur se dise « rien n'a été inventé ». Ça, c'était la première explication. Deuxième motif, eh bien, plus j'avançais dans mon approfondissement de ce sujet, plus je me rendais compte que l'homme est aveugle. Aveugle par rapport à sa vie. C'est-à-dire que je voyais toutes ces déclarations, ces interviews, ces déclarations de gens extrêmement intelligents, cultivés. Vous prenez Benedetto Croce, le grand philosophe italien, par exemple. Et toutes ces interventions me montraient que ces gens-là n'ont absolument pas compris ce qui était en train de se passer. Ils se baignaient d'illusions en disant « bon, on va peut-être pouvoir domestiquer un petit peu ces fascistes, les englober dans le mouvement parlementaire, dans la vie parlementaire ». Et ça, ça m'a touché, ça m'a bouleversé, voire cécité de l'homme face à ce qui est en train de lui arriver. Et donc, de ce point de vue-là, les documents, ça a été, si vous voulez, une sorte de récit parallèle qui s'est développé, qui nous montre que finalement, nous sommes étrangers à nous-mêmes. Après, a posteriori, les historiens vous expliquent tout, le pourquoi, le comment. Mais au moment où on vit à chaud les événements qui font l'histoire, eh bien, nous sommes complètement perdus, en fait. Nous sommes ignorants à ce qui est en train de nous arriver. Eh bien, si nous prenons le cas d'un moment fort de cette histoire du fascisme italien, il y a la marche sur Rome le 27 octobre 1922. Et pour donner aux auditrices, aux auditeurs, la notion, l'idée, la manière dont Antonio Scurati vous narrait ces événements, je vous propose un extrait, une lecture de votre propre roman, livre, livre d'histoire de votre travail, M, l'enfant du siècle, publié aux Arènes. Voyant dans les Napolitains un peuple joyeux, le Duce commence par plaisanter. Puis il offre à la bourgeoisie de la ville, qui s'est pressée dans le théâtre royal, un discours franc et néanmoins mesuré. Le fascisme, inutile de le cacher, est un parti armé, parce que c'est la force qui finit par décider. Voilà pourquoi les légions sont rassemblées, puissamment encadrées et fermement disciplinées. Le fascisme, que ce soit clair, veut se substituer à l'État. Le Parlement est certes un jouet, cependant le fascisme n'enlèvera pas au peuple son jouet. Qu'il le tienne, qu'il le tripote, l'objectif est ailleurs. Notre mythe, c'est la nation, sa grandeur. Après quoi, l'orateur saute le fossé. L'idéal républicain est définitivement écarté. Romain de Bec de Lièvre qui lisait un extrait de M, l'enfant du siècle. Antonio Scurati, il y a une volonté de narrer l'événement, presque de donner la sensation du moment, et c'est quelque chose que l'on note tout de suite, et ça m'a marqué dans votre travail, cette recherche de l'air du temps. En histoire, il est difficile de ressentir ce moment, cette chose qui est impalpable. Une date est une date, un traité signé est un traité signé, la mort d'un individu, un meurtre. Mais l'air du temps, c'est très difficile, et vous le dites, hein, je tâte le pouls de la foule, ça c'est Mussolini qui parle, il est là, je sens l'air du temps. C'était important aussi pour vous de jouer sur cette ambiance générale de l'Italie en 1919, 20, 21, 22. Ah, certainement, cet ambiente générale, cette atmosphère, ce climat d'une époque de l'Italie, de cette époque, après tout, c'était aussi le climat de l'Europe et du monde, même occidental en tout cas. Nos grands-parents, non, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, bien, nos grands-parents arrivaient d'une apocalypse. La Première Guerre mondiale avait vraiment laissé 6 millions de cadavres qui étaient à terre en Europe, des invalides, des mutilés de guerre. Le vieux monde avait vécu, on le sentait, tout le monde le savait, et en quelques mois, trois empires qui avaient dirigé l'Europe pendant des siècles s'étaient effondrés, et les survivants à ce carnage savaient, sentaient qu'à ce moment-là, tout était possible. Et avaient raison. À juste titre. Lo sentivano sia quelli che stavano, diciamo, raison, dal lato sbagliato della storia. Ceux qui étaient du mauvais côté de l'histoire le savaient. Quando fonde facile combattimento. Avec Mussolini. Lo sentivano anche quelli che stavano, mais aussi, se mi permette, dal lato les autres, ceux qui étaient du bon côté, cioè, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire les héritiers de cette grande idée glorieuse, radieuse du 19e siècle, à savoir le socialisme, promesse d'une justice sociale, d'une solidarité populaire, promesse aussi que la vie de nos enfants serait meilleure que la nôtre. Il y avait donc une ouverture incroyable. Tout était possible à ce moment-là. Le vieux monde avait été détruit. Le nouveau monde allait surgir. La sfida enorme per un romanziere non è dire questo come l'ho detto io adesso. Pour le romancier, ce n'est pas le dire comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, avec des explications, des arguments. Non, pour le romancier, l'objectif et le défi, c'est le faire ressentir, le faire vivre, comme l'a vécu Mussolini, qui effectivement dit « je suis un animal, je sens l'air du temps ». Et de ce point de vue, si vous voulez, le romancier est un petit peu que l'homme politique, il doit flairer. La politique n'est pas une science, c'est un art, disait-il. Il faut flairer l'air du temps. Alors bien sûr, j'espère et j'ose croire que, bien sûr, la littérature est un petit peu plus noble comme art que n'a pu l'être peut-être la politique, notamment fasciste. Mais enfin, il y a ça. Alors, comment le percevoir, cet air du temps, ce climat? C'est ça le défi. Je vais vous donner un détail, si vous le voulez bien, qui est dans le livre, pour faire comprendre la différence qu'il y a entre un récit historique et littéraire. Vous lisiez tout à l'heure donc un extrait qui était la veille de la marche sur Rome. Se produit cette chose incroyable, cette fameuse marche sur Rome. On a tous les fascistes qui arrivent de l'Italie tout entière, qui accourent et qui vont menacer de prendre le pouvoir par la force. Et l'État libéral, qui avait tous les outils, à commencer par l'armée, pour les remettre à la place, et bien, à, ce moment, à leur place, à ce moment-là, l'État se rend et va bien sûr ne pas signer cet état de siège, enfin le signe et le retire, alors que ça aurait permis à l'armée d'intervenir. Et Mussolini, à ce moment-là, il va surfer, si je puis dire, sur ce jeu politique, violence, prise du pouvoir de manière légale, il fait toute cérémonie, jour de son triomphe à Rome. Et à un moment, le soir, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel avec 5 ou 6 collaborateurs les plus proches. Allora, a quel punto son cabinet, et là, l'historien, c'est le moment où il va s'arrêter, derrière cette porte, en disant, voilà, l'événement historique, je l'ai raconté, il s'est produit, j'explique les conséquences, mais on s'arrête là. Et c'est là où le romancier, lui, va ouvrir cette porte. Parce que c'est le moment où Mussolini va se détendre, il est avec ses collaborateurs les plus proches, il va retirer les bottes, il va mettre les pieds sur la table, à l'américaine, comme il disait à l'époque. Il allume sa cigarette et il va la mettre exactement au milieu de ses lèvres, à la française, comme on disait en Italie, parce que tous ces gens-là venaient des provinces, de la province, et il commence à se vanter de ce qui vient de se passer. La stanza si riempie della puzza dei suoi piedi. Et à ce moment-là, il se trouve qu'il pue des pieds et que c'est une infection, ça sent mauvais dans cette pièce. Bon, c'est chose qui arrive, la journée était longue. Et moi, je raconte comment il se vante de ce qu'il vient de faire, alors même qu'il a cette odeur épouvantable de pieds qui envahit la pièce, et sans la moindre gêne ou honte. Et il y a donc les collaborateurs qui subissent cette odeur épouvantable. On peut dire, bon, quel est l'intérêt du point de vue historique de ce détail, à quoi sert-il? Ben moi, je dirais que du point de vue du récit de l'histoire, en fait, c'est un détail très important. Parce qu'on est dans cette salle, ça sent les pieds, Mussolini qui se laisse un peu aller. On voit quoi ici? On voit se préfigurer son pouvoir absolu, sa dictature personnelle, et la soumission, la soumission de l'Italie, des Italiens, et y compris de ses collaborateurs les plus proches. Ils sont en train d'apprendre à être des citoyens de série B qui sont à genoux devant le dictateur. Antonio Sciorati, effectivement, vous jouez beaucoup de ces contrastes, ce que l'historien, l'historienne peut écarter parce que ce n'est pas nécessaire à la compréhension de ce qui est étudié. Vous, vous allez le mettre dans votre récit. Il peut y avoir une scène autour d'une aventure sexuelle de Mussolini, mais la ligne d'après, on revient directement à la politique. Et ce contraste est saisissant. En fait, c'est un va-et-vient, vu que l'ouvrage est chronologique, au sens extrêmement chronologique, avec des dates précises, eh bien, il y a ce jeu où, en une journée, il se passe plein de choses, et il y a surtout plusieurs regards, hein, parce que plusieurs personnages interviennent. Et c'est une volonté, j'ose le terme, de narration totale, où vous avez voulu vraiment attraper l'ensemble de la période et jouer avec en la regardant sous toutes ses facettes. Vous êtes amusé également. Oui, tout se tient. Il romanzo è il mondo raccontato roman, dal punto di vista dove tout se tient. D'un point de vue où tout se tient, et ça ne se dit qu'en français, hein, tout se tient. Si, ci si diverte à farlo. Oui, bien sûr, on s'amuse. Que è estremamente faticoso. C'est amusant à faire, mais je vous assure que c'est vraiment très fatigant. Ah bah, 800 pages, c'est difficile, hein. Io ho ancora degli amici che gli amici d'infanzia che fanno tutt'altro mestiere, che credono che io non lavori. Un autre métier, et ces gens-là pensent que je ne travaille pas. Mais n'allez pas croire ça, c'est épuisant. Brevemente, se posso. Très brièvement, si vous permettez. Non è solo un fatto di creare una forma ben tornita. Ce n'est pas simplement levigata, parce qu'il faut bien lécher la forme et bien faire quelque chose qui tourne. Mais la lettérature comme forme de connaissance. Dans la littérature, pour moi, il y a une forme de connaissance. Donc, quand vous dites qu'il y a effectivement des détails intimes de sa vie, y compris sa vie sexuelle, il y a tout ce mythe érotique qu'il a créé, qui était autour de lui. Et après, on passe à la politique. Mais voyez-vous, en fait, ce sont deux choses qui ne sont pas disjointes. Il modo con cui et séparé l'une de l'autre, c'est-à-dire que la manière et i fascisti si relazionavano dont alle donne, Mussolini et ses amis cioè, se positionnent par rapport confronti à la donna, femme en tant que prédateur. Hein. Est esattamente lo et en fait, modo c'est la même manière Mussolini de se positionner qu'ils vont avoir nella vita par rapport alle masse, à, che aux masses loro dans leur vie politique. Hein. Les masses qu'il fallait, selon eux, soumettre comme un commandant en guerre. Et lo stesso tipo di virilità machista, et cette virilité machiste et vraiment ciò che noi considereremo una forma di impotenza, que l'on peut pousser d'ailleurs, y voir une forme d'impuissance à la limite. Senza tenere in ils vont pousser la femme à la soumission, erotica, aucun intérêt pour le plaisir de la femme, son expérience érotique, soumission. Eh bien, c'est exactement la manière dont le fascisme voit la politique massa, et l'introduit au XXe siècle. Dur la masse, mais pourquoi ? Pour la soumettre à la jouissance personnelle du pouvoir. Et justement, on le ressent très très bien hein, entre ces histoires mêlées, Antonio Scurati, je précise, le vocabulaire amusé au sens où vous ne vous êtes pas fixé de limite pour atteindre ce que vous vouliez faire. Et je le dis simplement, hein, c'est une trilogie, nous avons 800 pages ici qui se lisent sans aucun souci. Vous avez construit un discours autour de Mussolini, de M, mais plus globalement de l'histoire de l'Italie et du fascisme, sans vous fixer de limites, ces limites qui sont parfois simplement le cadre de l'édition, avec un nombre de signes limités, avec une efficacité, et pas trois volumes, surtout pas, si le premier ne marche pas, on va pas faire les autres. Ben non, vous avez vraiment construit cet ensemble sans vous fixer de bornes. Sì, non, effettivamente pensi che io avevo terminato questo volume. Si vous voulez, en fait, j'ai achevé ce premier tome en 2007, l'été 2017. Et j'ai demandé à l'éditeur d'attendre un an avant de le publier parce que je voulais commencer l'écriture du tome 2. Je ne voulais pas me laisser décourager par un échec éventuel. Entre-temps, le livre a très bien marché, mais ce que je voulais, c'était vraiment raconter tout jusqu'à la fin, à telle enseigne d'ailleurs que en France, on voit qu'actuellement sort le tome 1 et il suscite beaucoup d'intérêt, ça me fait très très plaisir parce que pour ma formation intellectuelle, la culture française aura été centrale, fondamentale, alors même que le tome 1 sort ici, et bien c'est le tome 2 qui sort en Italie, si vous voulez, l'histoire... Et je reviens à cette métaphore de tout à l'heure. C'est pas simplement l'histoire italienne, c'est l'histoire de l'Europe et à la fin c'est l'histoire de l'humanité. Chaque épisode historique est toujours universel parce que, au-delà du fait en particulier, on relate la condition humaine. Donc c'est un territoire de chasse extrêmement foisonnant pour le romancier. Mais cela donne une certaine forme d'humilité qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut se sentir inférieur, secondaire par rapport à l'importance de la matière dont on traite. Vous savez, quoi que je fasse, même si j'avais écrit un chef-d'œuvre, de toute façon, ça reste moins important que l'événement que je suis en train de raconter. En l'occurrence, 20 ans d'histoire de l'Italie qui auront une incidence sur l'histoire européenne et mondiale. Grande influence, grand ce sens important, grande influence de l'histoire italienne. C'est-à-dire que même si la manière dont j'écris est importante, ce qui est encore plus important, c'est ce que je raconte et ça donne une forme d'humilité qui est quelque chose de très fécond et de très vertueux pour le romancier. Parce que souvent le romancier a un petit peu tendance à se surestimer, surestimer sa vie, son expérience, et nous mène à une impasse narcissique, le cas échéant. Alors que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire, on doit toujours avoir en tête qu'on vient en deuxième. Le plus important, c'est l'histoire. Oui, j'aime beaucoup cette modestie dès que l'on traite de sujets historiques et surtout de grands personnages, des destins, alors des destins très compliqués avec Mussolini, de grands personnages dont il faut aussi savoir parfois se moquer. Je vous propose d'écouter une chanson « Un jour Mussolini sur son balcon », chanson en italien du Gruppo Sperimentale di Canto Popolare. Donc évidemment, nous sommes du côté des antifascistes. Un giorno Mussolini andò al barcone e disse che facessero attenzione, che aveva ricevuto i dispacci, che gli mandava i baci, i lapetacci. E poi disse un modo nuovo perché il gallo faccia l'uovo, vittoria o fuga, dovete adoperare il bagnasciuga. E resse forza allora la regina e disse senti un po' Montenegrina, qui si non se combina un'altra lega, finisce tutti quanti che ce frega. Ieri rispose la regina, caro re per dirindina, lo sai che voglio che glielo metti in culo col badoglio. Un jour Mussolini sur son balcon, chanson antifasciste dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Émilie Valla avec aujourd'hui à la technique Delphine Baudet. Aujourd'hui nous parlons de M, l'enfant du siècle, un ouvrage paru aux Arènes. M, l'enfant du siècle, Antonio Scurati, c'est votre ouvrage. Je dis aussi que votre voix française est aujourd'hui Hélène Joguet. Merci Hélène de traduire Antonio Scurati sur cet ouvrage qui est un ouvrage qui peut étonner. Historien, historienne, regarde avec rigueur toute forme de parution. Est-ce que vous avez été surpris par les retours venus éventuellement du monde universitaire, mais pas que, sur les précisions historiques ? Vous avez énormément travaillé, Antonio Scurati, c'est une évidence. Ma, no, devo dire che io mi aspettavo non, che non, se je m'attendais à ça, c'est-à-dire je me suis dit si le livre marche très bien, s'il s'impose et que le public le lit, forcément il y aura une forme de résistance du monde académique. Je m'y attendais parce que je connais cet univers universitaire italien puisque j'en fais partie. Et il se trouve malheureusement que dans le monde académique, universitaire, il y a, je dirais, des poches de défense où les gens, si vous voulez, ont une espèce de logique animale quasiment de dire ceci est mon territoire. J'ai mon carré, mon précaré à moi. Bon, ça, c'est pas la partie la plus réjouissante, bien sûr. C'est même la pire. Et j'espère qu'elle va disparaître d'ailleurs. Et puis, il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus ouverts aussi dans ce milieu universitaire, beaucoup plus agiles et ouverts intellectuellement et qui sont entrés en dialogue avec ce, avec cet ouvrage. Ce livre, si vous voulez, qui a très bien marché en Italie, eh bien, a amené des historiens à réfléchir. Beaucoup, ils se sont posé le problème, ils ont commencé à dialoguer avec ce livre, avec son public, avec le succès qu'il a pu connaître. Certains en ont fait l'éloge ouvertement, d'autres l'ont critiqué, d'autres encore on souhaitait y réfléchir. Je ne recherche pas l'accord et l'assentiment de tous et ni les éloges, mais enfin, c'est un livre qui est sorti il y a deux ans en Italie, 500 000 exemplaires vendus en Italie, ce qui veut dire qu'à terme, il touchera probablement un million de lecteurs. 830 pages, un sujet pas si facile, avec un peuple italien qui ne lit pas énormément. C'est énorme. Après, il va y avoir une série télé énorme avec tout un casting international. Donc, tout ceci pour vous dire que, eh bien quoi, ça veut dire que la prochaine génération connaîtra l'histoire du fascisme grâce probablement à ce livre. C'est ce que me disait un ami, tu t'en rends compte, me disait-il. Et oui, c'est une responsabilité énorme, j'en tremble. Parce que ça veut dire quoi ? Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a toujours été présent, c'est une alliance entre l'art du récit, la littérature et la connaissance historique, et ce lien, il faut le maintenir et le renforcer. Ces deux forces, lorsqu'elles sont ensemble et qu'elles sont jointes, elles peuvent probablement, elles peuvent certainement faire que les gens, non seulement vont connaître l'histoire, c'est important, mais ce n'est pas le plus important, c'est surtout le sentiment de l'histoire que l'on communique aux gens. Et c'est encore plus important, c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui à l'ère de la chronique. On vit dans le présent, sous la dictature littéralement de l'instant présent. Nous n'avons plus ce recul. On n'arrive pas à voir notre existence avec ce recul, si vous voulez, ce contexte, nos parents, nos grands-parents, etc., et qui nous amène ensuite à nos enfants, petits-enfants. Or, ça, ce temps historique, c'est ça qui a permis de donner un sens à la vie de nos aïeux qui arrivaient d'une tradition qui s'est transmise. Or, nous, nous sommes quasiment incapables aujourd'hui de faire ça. C'est une véritable maladie spirituelle de nos temps, c'est-à-dire, je pense que, si vous voulez, la connaissance de l'histoire et l'art du roman mis ensemble peuvent peut-être remédier à cela. Antonio Sciorati, je ne connais pas d'historien, d'historienne aujourd'hui qui a commencé dans sa jeunesse à lire des ouvrages de Brodel, de Carlo Ginzburg. On commence en histoire par du roman, de la BD, par des films qui nous conduisent tout doucement à l'envie de faire de l'histoire et de l'étudier. Et c'est ce que vous faites hein, dans M, l'enfant du siècle. Vous donnez envie de, alors envie d'aller plus loin, ou simplement déjà de lire un livre et de s'intéresser au sujet. Et vous mettez un avertissement en début de votre ouvrage. Vous dites « Reste cependant que l'histoire est une invention à laquelle la réalité apporte ses propres matériaux ». Et vous précisez, mais sans arbitraire. Oui, il y a aussi cette construction très forte de ce qu'est l'histoire. L'histoire s'écrit et vous étudiez le fascisme italien qui a utilisé l'histoire comme peu de régimes l'ont utilisé en allant piocher dans l'Antiquité, chez Napoléon aussi. On retrouve Napoléon autour de Mussolini. Il y a tout un jeu. Comment vous, en tant qu'auteur, vous arrivez à essayer de tracer votre voie entre les représentations que l'on a aujourd'hui, les représentations que les fascistes ont voulu imposer, et puis une forme de réalité historique? C'était très difficile. Vous disiez à juste titre que le fascisme avait ce sens de l'histoire très fortement et il se définissait comme une espèce d'assaut à l'histoire, comme le communisme par ailleurs. C'était deux armées énormes qui marchaient pour conquérir de manière violente l'histoire. Et ça, ça doit faire naître en nous une certaine compassion pour, si vous voulez, les modérés qui étaient pris au milieu de tout cela, de ces deux gros courants d'invasion qui ont été un petit peu bouleversés. Le fascisme, une fois qu'il est devenu régime en place, il s'inscrit très rapidement comme quelque chose qui fait partie de l'histoire. Et le deuxième tome, qui j'espère sera publié en France en quelques temps, commence justement sur une exposition qui a été créée par le régime à 10 ans donc de la création des faisceaux de combat. Il se présente comme un mythe à ce moment-là déjà. Quelque chose qui est dans l'histoire. Alors, démystification de l'antifascisme, utilisation du fascisme. Vous savez, l'Italie, en Italie, partout, il y a des bâtiments, des monuments qui remontent à cette époque. C'est l'époque de la radio, déjà des masses médias et du cinéma. Et il dit, c'est une arme, c'est la plus forte. Mussolini le dit. Et donc moi, par exemple, je me suis dit, je vais me tenir à une distance de sécurité de la représentation visuelle. Des films, il y en a tellement, on le voit, il est au balcon, il fait un discours. Si vous voulez, j'ai pris mes distances par rapport à ça, parce que ça écrase l'imaginaire du lecteur. C'est trop invasif, en fait. Donc ce que je voulais, c'était lire tout ce qu'il y avait à lire, voir tout ce qu'il y avait à voir et visionner, et ensuite, si vous voulez, laisser passer le temps, laisser les choses se dégrossir, parce qu'on a, si vous voulez, un récit de toutes ces années, de cette histoire qui a été filtrée au plan idéologique, parce que, si vous voulez, pendant un certain nombre d'années, il y a eu un désaccord historique sur cette époque. Et si vous voulez, ou plutôt il y avait un consensus. Et en fait, le roman, on n'a pas pu le faire avant ça, parce qu'il faut qu'il puisse se dégager du prisme idéologique. L'antifascisme, il fallait qu'il vienne en fin de lecture, pas au début. Et d'ailleurs, il y a des choix chronologiques. Vous commencez en 1919, alors que Mussolini a un avant 1919, bien sûr, avec quelque chose qui est intéressant, parce qu'en fait, on le retrouve dans l'ouvrage, hein, sans arrêt, il y a des clins d'œil faits au passé, mais le parcours de Mussolini, qui est socialiste au début de son action politique, et même socialiste très engagé, et qui bascule dans le fasciste, vous l'avez écarté. Il y a une raison. Pourquoi vous commencez en 1919? Est-ce que c'est les faisceaux fascistes qui vous intéressaient avant tout? Ou parce que c'est plus Mussolini dans ces cas-là? Intanto per una ragione di sopravvivenza, écoutez, diciamo. Pour une raison de survie, je dirais. Già l'ambizione di raccontare l'intera parabola del fascismo. C'est assez ambitieux de vouloir raconter toute la parabole du fascisme à partir du jour de la fondation des faisceaux jusqu'au jour où on retrouve son cadavre. Déjà, c'était une grande affaire. Però, il fallait bien que je mette des limites. Hein. Al di là di questo, mais au-delà de cette première explication, il y a aussi que, si vous voulez, en fait, le passé est évoqué en filigrane. Vous avez lu ce passage que je trouve très beau et que je ne connaissais pas, je dois vous dire, mais au congrès de Reggio Emilia, il y a Mussolini qui se présente au public pour la première fois. Ça, j'en parle. Pourquoi? Parce que c'est vraiment nécessaire pour comprendre ce qu'il va devenir par la suite. Alors voici la scène comme elle se passe. Congresso del Partito Socialista, il socialismo congrès sta du Parti Socialiste, nella storia, le socialisme verso il suo qui marche vers son arriva, triomphe. Ci sono tutti grandi, diciamo, vecchi del arrive socialismo les italiano. Huiles, les, grandes, les ponts du grand socialisme italien. Et on voit arriver ce petit inconnu, cette sezione di provincia, una cittadina un peu inconnu che si chiama qui est représentée par une petite ville de province, sa section Forlì, en l'occurrence. Il va le montrer sur la scène et commence à parler violento, brutale, diretto, avec un vocabulaire violent, brutal, direct, frasi, soggetto, pas très, si vous voulez, élaboré au plan grammatical, sujet, verbe, complément, le sujet étant souvent je, come un agressif, bestemmia, gesticule dans tous les sens, bestemmia, il dit des gros mots, prende des injures, il va prendre son chapeau, allora, va jeter sur la tribune. Et là, il attaque tout à fait frontalement les anciens sénateurs, les huiles du parti, en les accusant de quelque chose qui n'est pas intéressant ici de voir. Mais en tout cas, il s'y attaque violemment. Et là, on voit la salle qui va se diviser en deux. Certains, si vous voulez, vont rire. C'est un fou, celui-là. Et puis, il y en a d'autres, et c'est ce que vous avez lu comme extrait. Il y en a qui voient l'avenir. Et il y a notamment un avocat de Milan qui s'appelle Sarfati, un grand bourgeois qui a rallié la cause du socialisme et qui écrit de Reggio Emilia à sa femme en disant Benito Mussolini, note ce nom-là, c'est l'homme de l'avenir. Et l'épouse, Margherita, en l'occurrence, elle va recevoir ce message, elle va le noter ce nom, à telle enseigne d'ailleurs que quelques années plus tard, lorsqu'il va venir à Milan, elle va devenir sa maîtresse. Et elle deviendra son mentor culturel, parce que c'est une femme très cultivée, alors que lui ne l'est pas tellement. Qu'est-ce que je veux dire par là, au-delà de cette anecdote, c'est que lorsque l'on regarde la scène politique actuelle, si vous me permettez cette comparaison, on voit quoi? Ces leaders populistes, et il en est l'archétype, Mussolini, pas en tant que fasciste. Je ne suis pas en train de dire que les leaders populistes actuels soient des fascistes. Pas du tout. Ils ne sont pas issus de cette culture-là. Et d'ailleurs, pour certains, ils ignorent complètement l'existence de Mussolini, pensez à Trump. Mais ils descendent de lui en ce sens qu'il a été l'archétype du populiste. Vous voyez, raisonnement bien fait, appel au rationalisme, langage avec des subordonnés, des coordonnées. Non. Au contraire, une langue très simple, sujet, verbe, complément, etc. Promesse, systématiquement, slogan à chaque phrase. Et tout commence par je promets ceci, cela. Aucune référence à la réalité. On s'en fiche. Langage brutal et brutalisé. Centralità della comunicazione corporale, communication physique, corporelle, très physique. plus importante que la communication intellectuelle. Vous avez là les ingrédients, enfin la formule magique, je dirais, du populisme du siècle. Antonio Sciorati dans M, vous l'expliquez très bien, Mussolini le sait, il faut empêcher l'opinion publique effarée de confondre la violence fasciste avec celle des rouges. D'où la tactique de la douche écossaise, enflammer d'une main et refroidir de l'autre. Eh bien, ça, j'ai un petit extrait de M, l'enfant du siècle, c'est un peu le mode de narration que vous utilisez pour nous faire comprendre en fait la mécanique du fascisme. Et c'est en ça que l'ouvrage est intéressant du point de vue de l'histoire, nous refaire vivre cette période 1919-1925 en l'occurrence pour ce volume-là. Mais il y a aussi des mécaniques de fonctionnement du pouvoir. Et on le sent bien que vous observez notre monde aussi en filigrane quand vous expliquez ce qui s'est passé dans cette période d'après Première Guerre mondiale. Si, ripeto, non è la mia intenzione. Je le répète, ce n'est pas mon intention. Le roman, si vous voulez, c'est une forme d'art qui prête à l'intentionnalité, absolument. Io non è la mia intenzione scrivere un romanzo. Je n'avais pas l'intention initialement d'écrire un roman sur le fascisme pour le mettre en miroir avec l'époque actuelle. Mais plus j'ai étudié cette histoire, plus j'ai étudié le langage, plus je me suis dit, mais ça résonne. Vous voyez, quand il crée les faisceaux de combat en 1919, il dit, à ce moment-là, il dit, nous ne sommes pas un parti, nous sommes l'anti-parti, nous ne sommes pas la politique, nous sommes l'anti-politique. Et moi, j'en sautais, je faisais un bond sur ma chaise en me disant, mais ça, ce sont les mots d'ordre de tous les moments populistes actuels. Mais pas seulement ceux d'hier, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans aussi. Ce mépris de l'institution parlementaire, le mépris également de cette vie démocratique parlementaire avec toutes ses vicissitudes, ses difficultés, ses manquements parfois. Il disait, Mussolini, en parlant des députés de Montecitorio, il disait que c'était vraiment des bons à rien. Enfin, donc, il a eu des mots très forts. Et dans ce livre, et je reviens à cette question de l'humilité, dans ce livre, il y a la kénosis, c'est-à-dire qu'il faut se vider de soi, de son intérieur, pour laisser la place au langage, à la parole de son personnage. Et c'est ce que fait toujours le romancier, c'est ce que j'essaie de faire. Donc moi, évidemment, j'ai étudié tout ce qui était consacré à Mussolini, tout ce qu'il a écrit, et j'ai essayé de, si vous voulez, d'intérioriser son histoire et son récit pour le retransmettre à mon lecteur dans sa version la plus tragique parfois. Et ce faisant, il y avait quelque chose qui me disait, mais ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle la vie d'aujourd'hui. Et je ne vous cache pas que c'est une des raisons qui explique le grand succès de cet ouvrage. Il y a beaucoup de lecteurs qui ont lu cette histoire d'il y a 100 ans comme, si vous voulez, un espèce de moyen de s'orienter également dans cette époque où on est complètement perdu, l'époque actuelle. Donc voilà, il y a au moins trois raisons de lire M, l'enfant du siècle, publié par Les Arènes. Donc il y a la vie d'aujourd'hui, bien sûr, c'est une chose. Il y a simplement comprendre l'histoire, lire l'histoire, essayer de saisir ce qui a pu se passer pour arriver au fascisme. Et puis il y a aussi comment raconter l'histoire, parce que ça aussi, ça intéresse les historiens et les historiennes, comment on écrit l'histoire. Eh bien, merci Antonio Sciorati de nous avoir parlé, comme vous l'avez fait avec passion, de M, l'enfant du siècle. Sono io che ringrazio voi. C'est moi qui vous remercie. Et devo dire che è raro per Je dois vous dire que c'est vraiment rare dans mon pays en Italie que l'on puisse avoir une conversation tellement intéressante et d'un tel niveau à la radio. Donc vraiment, je vous remercie. Merci Radio France. Merci vivement et merci Hélène Joguet qui a été la voix d'Antonio Sciorati aujourd'hui. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Le Père Noël, avec son air bonhomme, son embonpoint et son costume clinquant, ne serait qu'une chimère. C'est d'ailleurs pour cette raison que le clergé a résisté, parfois de manière spectaculaire, à ses apparitions dans les traditionnelles fêtes de fin d'année. Au début des années 50, Claude Lévi-Strauss se réjouit. Un fait divers lui permet d'observer les controverses qui font rage autour de l'apparition d'un rite, l'ethnologie est donc finalement au coin de la rue. Le 23 décembre 1951, une effigie du Père Noël a été brûlée sur le parvis de la cathédrale de Dijon. Ce n'est pas tous les jours, écrit-il dans les temps modernes, que l'ethnologue trouve ainsi l'occasion d'observer dans sa propre société la croissance subite d'un rite et même d'un culte. L'exécution n'a pas eu lieu à l'abri des regards, mais en présence des enfants des patronages. C'est une cérémonie contre l'hérésie qui se joue là, le clergé a condamné les représentations du Père Noël, qui rivalise avec le sens catholique de ses fêtes, la célébration de la naissance du Christ. Un communiqué très solennel a été publié pour accompagner le geste de cette condamnation exubérante. Le Père Noël a été sacrifié en holocauste, à la vérité, le mensonge ne peut éveiller le sentiment religieux chez l'enfant et n'est en aucune façon une méthode d'éducation. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Parce que ce Père Noël à barbe blanche et costume rouge qui annonce son arrivée en sonnant les cloches après avoir garé son traîneau et ses rênes à proximité d'une cheminée est une importation qui n'a pas encore trouvé toute sa place. C'est une figure hybride qui emprunte à de nombreuses traditions qui s'agglomèrent en un joyeux syncrétisme. À commencer par l'influence des États-Unis, dont la culture et les subventions irriguent l'Europe occidentale du plan Marshall pour la reconstruction d'après-guerre et pour la détourner de ce qui pourrait faire sens du côté de l'Union soviétique. C'est d'outre-Atlantique que viennent les sapins illuminés, les papiers d'emballage historiés, les cartes de vœux à vignettes, les quêtes de l'armée du salut, comme les personnages déguisés en Père Noël dans les magasins. Comme le rappelle Jacques Berlioz dans un article consacré à cette affaire, on pourrait aussi y ajouter les chants de Noël et la postérité réactivée à chaque fin d'année de Bing Crosby, Frank Sinatra et Mariah Carey. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Mais ce Père Noël qui vient du froid a des origines bien plus tortueuses. Le sapin de Noël s'est installé comme un incontournable depuis le XIXe siècle, tandis que la bûche est héritée du Moyen Âge. Si la synthèse américaine rencontre un succès fracassant, il a des origines ancestrales. Du roi des Saturnales de la Rome antique au Saint-Nicolas alsacien, il a fallu, pour étendre le récit chrétien à l'ensemble de l'année, recouvrir toutes les festivités anciennes pour s'en assurer le monopole. Ces fêtes païennes qui se déroulaient à la fin du mois de décembre pour célébrer le solstice et la renaissance de la nature et qui, depuis l'Antiquité, offrent les mêmes traits. Décoration des lieux de culte avec des plantes vertes, échange de cadeaux, gaieté et festin, fraternisation entre pauvres et riches. Après tout, Jésus peut bien partager son anniversaire avec d'autres convives venus pour de toute autre raison. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Odile Jouessel, Valentine Lovrens, Nicolas Berling et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, une ménagerie s'installe dans le cours de l'histoire. Coq, ours, baleine, corbeau, cochon, loup, raconté par Michel Pastoureau dans des émissions de Mathilde Wagman. Et il y aura même une girafe, car les animaux aussi ont leur histoire.